Chapitre 2e. La nuit tombe. Dans la hutte du vieux sorcier, le père et le fils sont assis à terre, en face l'un de l'autre, devant le feu. Tous deux ont laissé s'éteindre leur calumet. Tous deux suivent du regard en silence la fumée qui s'échappe et monte par le faîte du toit. Tout le jour, ils ont couru sous les bois, cherchant les traces de Sioni. 20 fois, ils sont revenus autour du fort que bâtissent les Espagnols, et par les embrasures duquel s'allongent déjà les canons de la Santa Maria. Ni sous la forêt, ni au promontoire, ils n'ont recueilli d'indices. Ils ne se parlent ni ne se regardent, mais leurs pensées tourbillonnent du même volet perdu. « Où est-elle ? » se demande le père. « Depuis tant et tant de jours, qu'est-elle devenue, ma Sioni, l'astre de mon ciel sombre ?» Les visages pâles, qui sont repartis du côté de l'aurore, l'ont-ils emmenée avec eux ? Ils sont bons, disait-elle, et ne nous veulent que du bien. Et elle pleurait quand elle a su leur départ. Ont-ils abusé du plaisir qu'ils trouvaient à les voir? Et l'ont-ils tenté de connaître leur pays fertile en merveille? Ou bien est-elle cachée dans le vaisseau que retient la grève, auprès de ce guerrier au front hautain, à la barbe dorée, qu'elle appelait son ami? Mais quoi? Ne se souvient-elle plus de son vieux père? À la douleur de penser qu'elle aime l'hypocrite ennemi de sa race, faut-il que s'ajoute la douleur de ne pouvoir lui en faire le reproche? Ô malheureux Sioni, mes yeux se fermeront-ils sans revoir tes yeux de gazelle? Si la griffe des bêtes nocturnes n'a pas déchiré ton sein, reviens, je te pardonnerai mes larmes. Et toi, Tamou, grand esprit, les visages pâles qui troublent l'eau de nos sources me prennent la dernière étoile qui brillait dans ma nuit. Le permets-tu donc, Tamou? As-tu abandonné tes enfants et ton prêtre? Tabouaka lui aussi, réclame au maître des choses, sa sœur au beau sourire, et songeant que l'amour la leur a prise, il pense à son amour à lui-même. Sioni peut-être s'est jetée à la mer croyant partie l'homme à qui elle avait donné son cœur. Du moins, elle a pu lui dire son secret. Du moins, elle ne s'est pas vue dédaignée. Mais lui, aujourd'hui encore, comme tous les jours, il a rencontré la belle Anakwa, passant dans le village. Elle allait à la fontaine. À 2 reprises, il s'est trouvé près d'elle. Elle ne l'a pas même aperçu. Elle n'a Dieu que pour son époux. Son époux! Qu'a-t-il donc fait pour mériter de l'être? Tabouaka n'est-il pas aussi vaillant que lui? Ses flèches n'atteignent-elles pas le but aussi sûrement que celle du cacique? S'il voulait. Il n'avait qu'à le guetter à la chasse, caché derrière un arbre et... Silence! Ordonne tout à coup le vieillard. Tabouaka baisse la tête, confus. Son père a-t-il entendu la voix perfide à laquelle il prêtait l'oreille? Est-ce à cette tentation mauvaise qu'il impose silence? Le devin s'est redressé. Ses yeux sont fixes. Il lève le doigt. « Écoute, » dit-il. Ses lèvres tremblent. Un trouble inouï l'agite. « Écoute ce cri !» Une lamentation aiguë, déchirante, vient de traverser les ténèbres. Elle reprend, plus faible. « C'est sa voix! C'est sa voix !» s'écrièrent à la fois les deux hommes. « C'est la voix de Sioni !» Et s'armant en hâte, il s'élance hors de la hutte et court, frémissant, dans la direction d'où sont partis les cris. Le cacique et ses guerriers ont entendu, eux aussi, cet appel désespéré. Eux aussi ont reconnu la voix de Sioni. Ils rejoignent le prêtre et son fils et s'enfoncent dans la forêt que pénètre à peine la clarté de la lune. L'oreille tendue, ils vont, sans bruit, car la clameur qui les guide s'éteint d'instant en instant. Elle cesse. Nous arrivons trop tard. Gémit le sorcier. Brusquement, il s'arrête. Sioni est là, gisante, la face tournée vers le ciel. Son âme l'a quittée. Tel est le mot qui monte aux lèvres de tous. Ganagari s'est penché vers elle. Il appelle sa fille avec des sanglots. Tabouaka la soulève doucement. Ses yeux se rouvrent, s'écrie-t-il joyeux. Les 12 yeux de Sioni se sont ouverts en effet. Elle soupire longuement. Elle regarde, sans les voir, la clairière et les guerriers. Puis, Ganagari ayant fait un mouvement pour lui tendre une gourde pleine d'onicou, la figure du vieillard s'est trouvée dans la lumière. Elle l'a reconnue et pousse un cri d'effroi. Aidée de son frère qui la soutient, elle se soulève et se jette à genoux aux pieds du sorcier. « Pardon, » murmure-t-elle, « pardon. » Le vieillard a reculé d'un pas. Il la regarde sombre et d'une voix sévère. « Que dois-je te pardonner ? » demande-t-il. « Je vais te le dire. Mais tous, tant que vous êtes, je vous conjure de ne pas m'interrompre, car mes moments sont comptés et je ne sais si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout. » Il se fit un effrayant silence. On n'entendait que le vent entrechoquer les cimes des arbres, et au loin, les singes hurleurs aboyaient dans la nuit. « Jamais, » commença Sioni, « jamais celui des blancs dont la barbe est dorée, celui qui commande aux guerriers qui bâtissent sur le promontoire. Quand il m'annonça qu'il allait partir, j'ai cru que ma vie s'en allait. Je ne le voulais pas, et cependant, je vous aimais vous aussi, et ne voulais pas partir avec lui. Je le supplie en vain de rester, et pour le décider... » Elle hésitait. « Eh bien, qu'as-tu fait ? » interrogea le prêtre. « Pour l'y décider, » reprit-elle avec effort, « je lui avouais, malgré mon serment, que l'île renfermait des mines. » Elle ne put achever. Un même cri de colère jaillit de toutes les bouches. Tabouaka s'éloigna de sa sœur, qui tomba les mains sur le sol. Les yeux étincelants, Kanagari levait sa massue. « Ne me tue pas, mon père !» supplia la malheureuse. « Je n'ai pas fini !» Le silence se fit de nouveau, et Sioni reprit, n'osant plus regarder ces hommes que cet abbé venait de faire ses juges. Il me demanda où étaient ces mines. Je ne pus le lui dire. Je l'ignore. Je lui appris seulement que la région de l'or s'appelle Sibao. Il voulait en savoir davantage et m'enferma, l'ingrat, dans son navire. Me menaça de ne plus me donner à manger si je ne parlais. Alors, le désespoir s'empara de moi. Je compris qu'il ne m'aimait pas, qu'il n'aimait que l'or, que je m'étais parjuré en vain, qu'il ne m'était pas même reconnaissant de ma lâcheté. Je voulus mourir. Je l'avertis que j'étais prête et ne lui dirai rien. Il me frappa, s'emporta, laissa voir le mauvais esprit caché sous son beau visage, et enfin, l'autre nuit, ordonna de me jeter à la mer. Il ne savait pas que les femmes de ma tribu se soutiennent et se dirigent dans l'eau comme la loutre dans le fleuve. Je nageais de toutes mes forces, car je ne voulais pas mourir avant de t'avoir revu, mon père. J'atteignis l'autre rive à la faveur de la nuit, et pendant qu'ils cherchaient sur la plage mon corps, qu'ils ont cru emporté par le refus dans la mer, je me glissais sous les bois, où je suis tombé tout à l'heure, sans pouvoir faire un pas de plus. Et maintenant, c'en est fait de moi. Ma vie m'abandonne, comme l'eau qui fuit à travers les doigts. Tu n'auras pas besoin d'être mon bourreau, mon père. Je me meurs. Mais veux-tu me pardonner mon crime ? Le veux-tu ? Sa voix et ses yeux étaient pleins de larmes. Elle tendait vers son père ses mains défaillantes. « Le veux-tu » répéta-t-elle. Lui, terrible, répondit « Non ». Elle chancela, frappée au cœur, et demanda, pleine d'épouvante. « Ainsi, l'âme de ton étoile va errer la nuit, comme un oiseau blessé, sans repos, sans repos. » Un sanglot se brisa dans sa gorge, elle tomba à la renverse et murmura. « Pauvre Sioni !» Son âme s'envola dans cette plainte. Tabouaka se penchait pour lui fermer les yeux. Kanagari l'arrêta du geste. « Non, » dit-il d'une voix sombre, « laisse ses yeux ouverts pour qu'il voie les malheurs qu'elle aura provoqués. Et parce qu'elle fut ta sœur, ne me demande jamais d'ensevelir la misérable. Je veux que son corps soit la proie des bêtes de nuit. Pourquoi le vautour, en dévorant sa langue, ne peut-il dévorer le secret qu'elle a vendu ? Mais c'est assez parler d'elle. Maudit soit celui qui se souviendra de son nom, que je sois maudit moi-même, si je me souviens que j'ai eu une fille. Maintenant, venez avec moi au carbet. » Tous se mirent en marche, sombres, suivant le prêtre farouche. Quand ils furent réunis dans la salle du conseil au centre du village, Kanagari demanda « Quel avis est le vôtre ? J'aurais dû prévoir cette trahison et tuer la malheureuse, je ne l'ai pas fait. S'il n'est plus de moyen de me laver de cette faute, mais que ma mort puisse la racheter, je m'offre en victime expiatrice. Moi de même, fit Tabouaka, heureux si mon sang apaise ta moue. La tribu est menacée, interrompit Kaonabo. Votre énergie la servira mieux que ne la servirait votre mort. Voyons les choses d'un œil ferme, et défendons-nous les paroles inutiles. Les Blancs savent que l'île renferme des mines, que la région de l'or s'appelle Sibao. Ils ne savent pas autre chose. Faisant qu'ils n'en sachent jamais davantage. Si les Blancs nous interrogent, s'ils insistent, fort des aveux de Sioni, répondons-leur que Sioni était folle, que la démence lui vint avec l'amour, qu'elle a trompé son ami dans l'espoir de le retenir, que nous ne savons pas ce que c'est que des mines, que Sibao est un nom inconnu pour nous, et mourrons plutôt que d'avouer le contraire. Le cacique, déclara le prêtre, vient de dire ce que j'avais dit. « Ce qu'il a conseillé, nous l'accomplirons !» ajoutèrent les guerriers. Au moment où Sioni avait avoué à Escobedo que l'île renfermait de l'or, le soleil se couchait. Est-ce la lueur du couchant qui mit un sanglant éclair dans l'œil de l'Espagnol? Celui-ci était un homme de résolution. En un instant, son parti fut pris, ou plutôt il était pris depuis longtemps. Escobedo n'attendait qu'une occasion pour l'exécuter. Il courut avertir ceux de ses compagnons qu'il avait pressenti à l'avance et qu'il pensait devoir être des auxiliaires sûrs. Ceux-ci lui en indiquèrent d'autres, il en eut bientôt plus qu'il ne lui en fallait. Colomb ayant dû, pour recruter ses équipages, prendre un ramassis de gens énergiques, mais tarés pour la plupart, et auxquels une infamie ne faisait pas peur. Les prêtres, ou pour mieux dire, les inquisiteurs embarqués sur les caravelles, étaient des hommes sans scrupules. Escovedo trouva dans ses moines des complices à souhait. À peine ses pourparlers finis, le timonier vendu à Escovedo fit la fausse manœuvre que nous avons dite. Elle eut tout le succès qu'on en espérait. Colomb se résigna à abandonner son navire, et c'est là ce qu'avait voulu son secrétaire. Le lendemain, l'amiral, indignement trompé par le misérable, reprenait la mer, laissant à Escovedo des canons pour réduire les Caraïbes, des hommes pour exploiter les mines, et un navire qui, une fois remis en état, permettrait à ses colonisateurs d'un nouveau genre de rapporter en Europe toute une cargaison d'or. Escovedo pensait que la récolte ne serait pas longue et qu'à son retour, Colomb les trouverait déjà partis. Il avait commencé par emprisonner la pauvre Sioni dans l'entrepont de la Santa Maria. Puis, sûr, grâce à elle, que les Caraïbes leur avaient menti, il poursuivit en hâte la construction du fort destiné à ôter aux indigènes toute velléité de révolte et à fournir aux Européens un asile plus efficace que le navire échoué. En même temps, il continuait les présents aux Indiens, mais ceux-ci accueillaient décidément ses avances avec moins de réciprocité que celle de Colomb. Escovedo pensa que la disparition de Sioni était pour quelque chose dans cette froideur. Effrontément, il demanda ce qu'elle devenait. Galagari répondit d'un air calme qu'ayant laissé voir son désir de partir avec les Blancs, elle avait dû suivre l'amiral. Persuadé que sa perfidie restait ignorée des Caraïbes, l'Espagnol crut alors pouvoir hasarder les questions que préparaient ses manœuvres. Tandis que ses acolytes renflouaient la Santa Maria, il interrogea habilement les hommes, les femmes, les enfants même. Mais les enfants ne savaient rien, et parmi les femmes et les hommes, il ne se trouva pas un parjure. Partout où on fit à l'étranger les réponses résolues, et l'unanimité était telle qu'elle finit par ébranler sa confiance. Est-ce que vraiment Sioni était folle? Est-ce qu'elle m'a en effet menti dans le seul but de me retenir? Telles sont les questions qu'Escobedo posait un soir aux moines et aux matelots qui, enfermés avec lui dans le fort, constituaient l'état-major de la colonie. L'aveu de ses inquiétudes avait même provoqué quelques troubles. Et dont Toribio, le doyen des inquisiteurs, commençait à déclarer au nom de tous qu'Escovedo eût dû se renseigner plus tôt, ne pas en croire cette fille. Vous l'aviez bien cru, vous ? Criait Escovedo, s'emportant. Les menaces se croisaient, acharnées, quand un juif du nom de Manassé se leva et demanda humblement la permission d'ouvrir un navire. Dès les premiers mots, prononcés à voix basse, l'assemblée se calma. Quand le juif eut fini de parler, on l'applaudit à outrance. Le lendemain matin, les premiers Indiens qui franchirent les palissades du village pour descendre à leur canot s'arrêtèrent avec des gestes vite réprimés d'indignation et de douleur. Le cimetière de la tribu où la seule Sioni n'avait pas été admise était creusé sur la plage unie au pied des grands rochers encadrant le port. C'est là que depuis des siècles, les Caraïbes ensevelissaient leurs morts, pères, fils, mères et chefs, et le reflux caressait leurs tombes où la grande voix des flots les berçait. Dans cet asile, respecté même des bêtes fauves, les Espagnols fouillaient à grands coups de pioche. Ils allaient déterrer sous le sable les ossements blanchis des ancêtres. Mort aux profanateurs ! Tel fut le cri qui jaillit de toutes les poitrines. La belle Anouka était révoltée entre toutes et conseillait au cacique de vider son carquois sur les sacrilèges. Tabouaka allait le faire, Ganari s'y opposa. « Ils sont armés, dit-il, et la flèche que tu tirerais serait la dernière. » En effet, les travailleurs étaient protégés par des soldats qui allaient et venaient, l'arquebuse à l'épaule. « Mais pourquoi cette provocation ? » demandait Anakua, exaspéré. « Pourquoi cette impiété ?» Ganari hochait la tête sans répondre. « Regardez, dit-il enfin. » Escovedo, qui surveillait ses fouilles d'un œil curieux, venait de se baisser vivement et de ramasser dans une tombe un objet qui brillait au soleil. une de ces idoles à tête de cheval ou d'homme qu'on trouve auprès du corps des chefs, une idole d'or massif. La figure d'Escovedo rayonnait d'une joie sauvage. « Manassé, dit-il à un petit vieux aux yeux aigus qui souriait dans sa barbe, ton conseil était bon, bien que venant d'un juif. » Dans leur pays, où les vivants ont le culte des morts, cette violation de sépulture valait une déclaration de guerre. Escovedo l'avait compris, mais puisque le résultat lui donnait raison, il pouvait enfin jeter le masque. Les Indiens non plus ne s'y trompaient pas, et cette nuit-là, Galagari appelait en vain le sommeil. « La prédiction se réalise, pensait-il, notre dernier jour approche. Puisqu'il n'a pas défendu nos morts, le grand esprit s'est retiré de nous. Il est là de protéger des parjures. Le ciel même se fait notre ennemi. » À ce moment, et comme pour donner raison à ses paroles, dans le ciel criblé d'étoiles, un formidable coup de tonnerre retentit, dont le golfe et les bois prolongèrent les échos. Était-ce bien un coup de tonnerre? Presque aussitôt, des détonations moindres éclatèrent, faisant autour du village une ceinture de fracas et de feu. Les Indiens, réveillés en sursaut, voyaient d'incessants éclairs jaillir de l'ombre. Ces lueurs sinistres se reflétaient dans des cuirasses, sous lesquelles les Espagnols, enjambant les palissades, faisaient l'effet de monstres inouïs, et les détonations se multipliaient, terribles. « Malheur sur nous !» répétaient les femmes échevelées. « Les Blancs ont déchaîné leur tonnerre !» C'était une confusion sans nom, des appels éperdus auxquels répondaient les ordres jetés par Escovedo. Rassemblés par la cacique, encouragés par les mères frissonnantes, les guerriers les plus hardis avaient tenté une résistance inutile. Que pouvaient les flèches ou les haches d'os contre ces démons dont la poitrine résistait même aux coups de massue? Sous cet ouragan de plomb, les héros caraïbes tombaient blessés ou foudroyés à distance. Pour lutter avec la mort, il faut au moins l'avoir. L'embuscade, dont le coup de canon tiré du fort avait donné le signal, était savamment concertée. Toutes les sentinelles indiennes, égorgées en même temps, avaient laissé le village sans défense. Tout de suite, l'assaut dégénéra en boucherie. L'épée achevait ce qu'avait commencé l'arquebuse. Les feux allumés dans les huttes éclairaient des luttes atroces que les enfants regardaient atterrés, les yeux agrandis par la peur. Puis, peu à peu, les cris cessèrent et les détonations. Les plaintes qui déchiraient les ténèbres s'éteignirent. Un moribond qui râlait se tut. Les arquebusades ayant interrompu jusque hurlement des bêtes dans les bois, un silence tragique descendit sur le golfe. Les feux se mouraient lentement. Une épaisse fumée montait dans le ciel, comme pour cacher au clair regard des étoiles l'œuvre des Espagnols, le cimetière violet et le sang.